était un géant qui se trouvait trop grand. Il n'avait pas d'amis, il faisait trop de bruit. Il n'avait pas d'amour, son cœur pesait trop lourd. Il était un géant qui n'était pas méchant, mais qui faisait très peur aux petits promeneurs. Alors il se cachait, parfois même il pleurait. Pauvre géant, qui s'ennuyait là-haut dans les nuages, trop loin des fourmis et des blancs coquillages. Pauvre géant, qui avait beau courber le dos, il ne voyait pas couler l'eau. Il ne voyait pas couler l'eau. Il était un géant qui était très savant, mais qui n'aimait pas bien l'école des géants, où l'on n'apprenait pas à regarder en bas. Il était un géant trop fort, trop bien portant, qui aurait tant aimé se sentir fatigué, perdre un peu l'appétit pour qu'on le garde au lit. Pauvre géant, qui s'ennuyait là-haut dans les nuages, trop loin des fourmis et des blancs coquillages. Pauvre géant, qui avait beau courber le dos, il ne voyait pas couler l'eau. Il ne voyait pas couler l'eau. C'était un géant qui rêvait d'être enfant et d'aller dans la vie innocent et petit, avec de vrais amis presque aussi grands que lui. Alors il décida de faire la courte échelle à tous ceux qui voulaient que la vie soit plus belle. Il ne fut plus le seul à marcher près du ciel. Pauvre géant, qui s'ennuyait là-haut dans les nuages, trop loin des fourmis et des blancs coquillages. Pauvre géant, qui avait beau courber le dos, il ne voyait pas couler l'eau. Il ne voyait pas couler l'eau. Il était un géant qui se trouvait trop grand. C'était un géant qui n'était pas méchant. Il était un géant qui rêvait d'être en